Lorsque vous avez parlé de marxisme, ça m'a fait penser à une autre chose. Au XIXe siècle, ce qu'on a appelé, ce que Marx appelait avec beaucoup de mépris les socialistes utopiques, développaient eux cette forme d'ésotérisme de gauche. Et avec la marginalisation de ces socialistes utopiques, j'aime vraiment pas cette expression. Qui joue quand même un rôle dans la révolution Qui joue bolchevique, enfin qui au jouent un début de rôle. la. Mais vont quand même être marginalisés de plus en plus au profit du marxisme, qui est, lui, une vision complètement desséchée au niveau spirituel. Et c'est vrai que cet ésotérisme de gauche va un peu disparaître. Des auteurs comme Cabet, Leroux, etc., on ne le redécouvre que depuis très peu. Dans les cultures populaires, visiblement, il y a enfin, avec le pulp qu'on a évoqué, mais on peut aussi arriver vers les années 40, 50, 60, avec le comics aux États-Unis. Avec le comics, On peut oui. penser à des figures, en particulier les quatre fantastiques comme Magneto, Oui. qui se réfère directement au magnétisme, ou encore plus flagrant, Doctor Strange. Dans la culture populaire américaine, comme vous venez de le dire, ça va vraiment se diluer. Et faut être honnête, cette forme d'occultisme, ces discours, d'un point de vue scénaristique, c'est quand même une matière excellente. Ça fait quand même pas mal de bases, mais simplement avec l'arrivée des super-héros à l'américaine, des Superman, le côté, on va dire, religieux disparaît, quoique Superman a été créé par deux juifs, deux auteurs juifs, avec un discours quand même très millénariste dans les premiers épisodes. C'est quand même quelque chose qui va disparaître, l'aspect magique va disparaître petit à petit, pour avoir un aspect prométhéen. Les super-héros américains sont pour la plupart des types qui ont voulu jouer à Dieu avec la science et qui ont provoqué un accident et ils mutent, sauf dans le cas de Superman. Mais Batman, qui apparaît dans les années 40, c'est une figure tourmentée et il utilise sa richesse pour créer une technologie qui permet de se venger. On peut penser aussi à la chose dans Les Quatre Fantastiques, qui est une figure du golem d'ailleurs. Je crois Oui. que Stan Lee l'a représenté avec le châle de prière et même le Emmet Oui. gravé sur le front. Mais d'un autre côté, la chose, c'est quand même une mutation due à des radiations stellaires. Donc on retrouve toujours l'aspect scientifique. Où là, à la limite, le comics est intéressant parce qu'il y a avec les Quatre Fantastiques et d'autres par la suite, la dérive scientifique permet de retrouver une certaine forme de religiosité, comme le cas de la chose représentée en golem. Mais pour la plupart, oui, ça reste quand même une approche très prométhéenne de la chose. Et qui finalement rejoint aussi finalement les relations entre l'occultisme, la Science? science et la spiritualité, qui est Oui? une synthèse entre. Donc finalement, à un niveau de culture populaire, cette chose Oui? perdure à ce moment-là. Perdure. Bon, c'est vrai qu'avec le pulp va aussi se transformer. Lovecraft, bon, va mourir, le pulp va persister. Mais à partir des années 40, surtout de la fin des années 40 et des 50, les mondes et les monstres innommables de Lovecraft vont être remplacés petit à petit par les petits hommes verts. Où là, on va voir un autre discours issu, en partie, mais pas seulement, de l'occultisme du XIXe siècle qui va se greffer dessus, c'est-à-dire les spéculations sur l'existence d'autres mondes, etc. Les spéculations de Camille Flammarion et d'autres sur l'existence d'autres mondes. Mais il y a des choses qui vont se transformer et les pulps, dans les années 50, vont être intéressantes parce qu'on va trans on va comment dire. Les ovnis vont perdre le côté vis et boulons purement mécanique pour avoir un côté spirituel. Et là, on va redécouvrir, les auteurs vont redécouvrir les textes sur les esprits et les plans dimensionnels particuliers et structurer une autre forme d'ufologie. Et là, on va retomber dans des discours spiritualistes typiques du 19e. Qu'on retrouve d'ailleurs aussi dans le comics, Oui? avec beaucoup de théories sur les plans, les Oui, univers. parallèle, etc. Oui, je pense qu'effectivement, il y a une période qui succède à la Seconde Guerre mondiale, alors une période peut-être comme ça, à brûle pourpoint, d'une vingtaine d'années, où c'est le triomphe de la science-fiction, donc plutôt avec des thématiques on va dire technicistes. Alors, il peut rester à un niveau esthétique, des références à l'occulte, mais je ne pense pas qu'elle soit perçue par le grand public à l'époque qui n'est plus là-dedans, qui est vraiment dans le science-fictionnesque. Alors par contre en France, une revue va remettre à l'honneur finalement à la fois certains éléments d'occulte et cette science-fiction qui est la revue Planète. Ah oui, tout à fait. Planète va être créée à la suite du succès du Matin des Magiciens. Et le Matin des Magiciens, c'est le but de ses auteurs, c'est-à-dire Berger Poel, c'est vraiment de réenchanter le monde. Et là, on retrouve vraiment des spéculations de type occultiste. Bon, le Matin des Magiciens, c'est pareil, c'est un énorme bric-à-brac qui a aucune validité scientifique. Sorti au tout début des années 60. Ben, en 60. 60. Et Poel disait clairement que c'était du réalisme fantastique. Et là, c'est vrai qu'on retrouve l'idée de ce que développé par Philippe Rigaud tout à l'heure, c'est-à-dire que l'écrivain n'est plus un écrivain, mais l'intermédiaire entre différents plans. Et beaucoup vont prendre les spéculations et les inventions de Berger et Poel au pied de la lettre. Cela va être pérennisé, comme vous l'avez dit, avec l'apparition de Planète et surtout le succès de Planète, où on va retrouver différentes choses, des considérations occultistes, des propos scientistes, l'éloge de la science-fiction. Faut pas oublier que c'est Berger qui va faire connaître Lovecraft en France. On va retrouver, ça va être un énorme bric-à-brac qui va plaire à une population, et malheureusement, cette population va être complètement acculturée au niveau religieuse, au niveau de ses idées. Et ce sont les lecteurs qui vont faire la synthèse. Et c'est là qu'on va voir apparaître un néo-occultisme, on va dire teinté New Age, sous l'influence de Planète. Le Matin des Magiciens, c'est vraiment un ouvrage bâtard, mais qui est voulu comme tel par ses auteurs, effectivement. Il se positionne à mi-chemin entre l'invention et le documentaire. Et tout l'ouvrage joue sur cette ambiguïté. Alors, c'est un ouvrage qui est fascinant, effectivement, par de nombreux égards, mais un ouvrage fascinant écrit par des gens qui ne se positionnent pas clairement imaginaire ou documentaire, et qui, cet ouvrage rencontrant peut-être une demande de la part du public, hein, il faudrait réfléchir, qu'est-ce qui fait qu'en 1960, ce type d'ouvrage peut avoir autant de succès. Le fait est que ça a été le point de départ, effectivement, d'un revival de l'occultisme, mais un revival, pour le coup, qui a connu une ampleur médiatique bien supérieure à ce qu'on évoquait tout à l'heure en parlant de la présence de l'occultisme à la fin du 19e. Juste quelques chiffres. Depuis 1960, Le Matin des Magiciens s'est vendu à plus d'un million d'exemplaires. Ce qui est quand même honorable. Plus qu'honorable, même. Certains numéros de Planète se sont vendus à plus de 100 000 exemplaires. Donc là, on est dans une forme d'occultisme dilué, là encore, mais qui n'est pas du tout underground. Il y aura à cette époque un underground occultiste, mais ce qui fait la différence entre, on va dire, les thèmes dominants ou les thèmes diffusés dans des médias de masse, je pense que c'est la radicalité du propos. Juste définir underground. Souterrain. Ouais. Ça s'applique généralement aux scènes musicales. Hein. Ça s'applique aux scènes musicales, mais aussi, si on prend Jean-François Bizot, à des modes de fonctionnement sociétaux radicaux qui s'opposent aux valeurs dominantes. Donc, valeurs dominantes des années 60, l'American Way of Life, le bourgeoisisme, le matérialisme, et une volonté de tout pervertir, de tout radicaliser. Et à la même époque, il y a un autre mouvement qui est le mouvement hippie qui... Oui. Qui est aussi un mouvement contestataire de cette société. On peut parler d'une contre-culture hippie, qui devient finalement aussi une culturelle, enfin un élément de la culture dominante qui va être intégré plus tardivement. Le mouvement hippie a aussi des relations finalement, enfin un héritage occultiste, ah oui, du mais moins le... post-occultiste. Non, même occultiste. Même occultiste. On peut le dire. Le mouvement hippie, va apparaître... à partir du début des années 60, mais à la base même des hippies, même parmi les grands ancêtres du mouvement hippie, on va retrouver les premières alternatives allemandes, qui donc les premières alternatives, c'est-à-dire les premiers à avoir théorisé le végétarisme, le nudisme, les bains de lumière, ce genre de choses. Donc milieu occultisant, pas occultiste, occultisant de la fin du 19e, début du 20e. Des éléments de paganisme aussi. Des éléments de néopaganisme, de spiritualité sauvage, libre. C'est déjà en germe. Les hippies vont aussi récupérer des éléments des beatniks, en particulier l'intérêt des beatniks pour les spiritualités asiatiques et le zen, par exemple. Ils vont reprendre des éléments de la culture toxicomaniaque des beatniks. Voilà, il y a des choses comme ça. Il y a une filiation à la fois diffuse et précise qui se met en place. Et les hippies vont aussi reprendre un certain nombre d'auteurs occultistes ou ésotéristes. penser à certains éléments d'Evola, par exemple, sur la sexualité. À Evola sur la sexualité, Evola sur l'Inde, Crowley, Lovecraft et d'autres éléments encore. Auxquels ils vont ajouter le LSD et Carlos Castaneda, quoi, pour dire les choses un peu schématiques. Mais non, par exemple, Evola a une réelle influence sur la sexualité, enfin les conceptions de la sexualité dans le mouvement hippie. Je suis loin d'être un spécialiste du mouvement hippie que je vois plutôt comme une grande démarche de fourre-tout, avec effectivement une ligne d'horizon idéologique qui est plutôt, on va dire, effectivement antimatérialiste, anti-autoritariste, en opposition avec une conception traditionnelle de la famille et de l'ordre. De là à penser que dans le mouvement hippie, il y aurait eu vraiment des gens qui ont essayé d'organiser une pensée structurée autour de sources spirituelles diverses, j'en suis pas convaincu. J'ai vraiment l'impression que leur rapport à la chose était comme leur rapport à la vie, c'est-à-dire orienté vers le fun, quoi, et peut-être pas vers la rigueur. Un élément d'expérimentation. On peut penser à Timothée Leary et ses expérimentations dans des caissons d'isolation sensorielle, par exemple. Ce qui n'exclut pas qu'il puisse y avoir des membres, ou tout au moins des gens qui ont influencé le mouvement hippie, qui étaient dans des démarches expérimentales plus sérieuses, on va dire. Mais pour revenir au mouvement hippie, oui, Evola, en particulier les essais d'Evola sur le tantrisme et la magie sexuelle, sont considérés par certains hippies comme des ouvrages de référence. Mais de là à dire que ça a été conceptualisé, théorisé, mis en ordre, non. Non, c'est plutôt un fourre-tout, ils récupèrent des... Oui, les hippies, même s'ils étaient antimatérialistes, ce sont des consommateurs avant tout. Mais il y a... Des consommateurs de spiritualité aussi dans la consommation. Des consommateurs de... oui. D'ailleurs, à ce sujet, des personnes comme Eliade vont considérer les hippies comme les continuateurs des mouvements alternatifs du début du XXe siècle. Eliade va être très fasciné par les mouvements hippies, il va vraiment s'y intéresser. Parce que, quelque part, ça va lui renvoyer son image, en particulier du Eliade des années 20, qui dévorait tout ce qu'il pouvait sur la littérature occultiste. Les hippies, oui, c'est des consommateurs. Mais là encore, entre le babacool médiatique et l'underground, il y a encore une question d'échelle et de radicalité. Il y aura des personnes qui vont participer au mouvement en disant « oui, j'ai participé au mouvement », mais qui n'auront qu'une participation superficielle. Et il y a des gens qui vont vraiment considérer ça comme un mode de vie et une forme de pensée qui vont vraiment créer des choses structurées. Et ces gens-là, généralement, on va les retrouver par la suite dans le mouvement New Age. D'accord. Mais il y a déjà au départ des rapports. Là, on peut dire sans ambiguïté que c'est à partir des années 60, à partir du milieu hippique, qu'il y a un néo-occultisme. D'accord, mais on peut penser par exemple à l'influence de Crowley sur le mouvement hippie, avec par exemple les Rolling Stones et leur relation avec Kenneth Anger ou des choses comme ça. Donc Kenneth Anger qui a fait plusieurs films. Justement, Kenneth Anger est une figure intéressante de cet underground-là, parce que c'est un occultiste, c'est un crowleyien. Il a participé à la naissance de l'Église de Satan. En fait, d'après ce que je sais, c'est Anger qui est surtout le théoricien de l'Église de Satan. Plus que l'AV. Plus que l'AV. A le rôle qu'il a parce que c'était surtout une grande gueule. Mais Anger, c'est voilà un cinéaste expérimental qui fait des choses ultra radicales et d'un autre côté, un engagement magique. Et là, on peut se demander si c'est un magicien qui fait du cinéma ou un cinéaste qui est intéressé par la magie. Et lorsqu'on entend parler Anger lors d'interviews, les deux sont vraiment très mêlés. Ça fait vraiment, c'est une façon de vivre et une façon de voir le monde. Une façon de voir le monde qui a pu avoir un certain succès à l'époque auprès des hippies. Mais je pense qu'il faut vraiment distinguer en fait la sincérité du rapport à ce genre de choses. Et je crois qu'on ne peut pas exclure le fait que certains individus, y compris des artistes médiatiques, ont pu surfer sur la vague sans engagement sincère. La vague crowleyienne des années 60, la plupart... des artistes qui sont acclamés de Crowley, c'était parce que ça faisait partie du conformisme ambiant. Je veux dire qu'entre Mick Jagger, qui a joué un peu avec ça, mais pas plus que ça, ou David Bowie, qui a surfé sur ça, bon, là, on peut pas considérer ces deux personnes comme vraiment des Crowleyens. Si on veut des Crowleyens sincères dans le milieu, il vaut mieux plutôt voir Jimmy Page, qui est un grand collectionneur d'objets. Un peu plus tardif. Un peu plus tardif. Qui a même racheté le château. Qui a même racheté le château de Boleskine. Mais là, c'est, là on voit la différence de démarche. Page, c'est un collectionneur. Donc là, on peut penser qu'il y a des choses de plus sincères. Donc à travers le cas de Jimmy Page, on peut finalement voir que cet occultisme va se populariser aussi dans, par le biais de la culture hippie et post-hippie, puisque, enfin, je ne sais pas si Led Zeppelin peut être défini comme hippie. Si, si, ça fait partie quand même du rock underground, entre guillemets. Bon, même si après, vont remplir des stades, de plus de 100 000 personnes. Dans un premier temps, oui, ça fait partie de la culture ou des valeurs culturelles du mouvement hippie. Mais il n'y a pas que, c'est vraiment une diffusion au niveau global. Disons que l'occultisme redevient à la mode, voilà. On peut penser aussi dans la bande dessinée, on peut penser à des auteurs comme Moebius avec des scénarios de Jodorowsky, Jodorowsky en production cinématographique. Jodorowsky est intéressant à plusieurs niveaux. Un, il n'a jamais caché son intérêt pour l'occultisme. Deux, il fait partie du mouvement néo-surréaliste panique, avec Topor et Arabal. Et trois, c'est une figure importante, on va dire, de la culture populaire et de la contre-culture. C'est vrai que Jodorowsky, pour ça, est vraiment quelqu'un de très intéressant. Ces thèmes ésotériques, d'ailleurs, ne vont pas se diffuser uniquement. La thématique ésotérique ne va pas se diffuser uniquement dans ses films, mais aussi dans ses bandes dessinées. Le scénario de L'Incal est entièrement ésotérique de A à Z. On trouve cinq condensés des thèmes ésotériques. On retrouve l'androgyne primordiale, on retrouve le chaos en tant que force positive, on retrouve l'éloge de l'empire mystique, on retrouve le mal comme force positive, on retrouve différentes choses. Donc là, il y a toute une symbolique qui, en fait, à la fois se dilue, se popularise et se diffuse. Elle devient finalement de la culture. Enfin, si oui. On peut penser à la, il y a eu une projection de la Montagne Sacrée, je crois, il y a 2 ans, durant oui. L'Étrange Festival. C'était au Grand Rex, la salle était remplie. Oui, mais là encore, c'est une construction a posteriori. Lorsque la Montagne Sacrée a été réalisée, c'était entièrement subculturel. C'est la notoriété de Jodorowsky qui a fait que, par la suite, on a considéré ça comme faisant partie de la culture dominante. Et là, par contre, un petit bémol. L'Étrange Festival, je suis d'accord, c'est c'est mainstream, mais c'est quand même une culture de bobo. C'est-à-dire, personne ayant quand même de gros bagages intellectuels et aimant les trucs un peu pointus, ne les comprenant pas forcément, mais qui se piquent de trucs un peu pointus. Oui, précisément, vous évoquez la question de la compréhension, et on commence à parler des années 60. On est dans une période où la puissance de diffusion médiatique trouble un petit peu la séparation qu'on pouvait faire entre subculture et culture. Et puis surtout, cette puissance médiatique, elle pose la question du niveau de réception du public. Alors on peut effectivement pointer que les créateurs ont une démarche de volonté de transmission d'un savoir ou d'une réflexion occultiste sérieuse. Mais comment est-ce que c'est reçu ? Peut peut-être même supposer que certains acteurs eux-mêmes n'ont pas investi cette culture de façon très sérieuse. Je me réfère en l'occurrence à une œuvre de fiction, le film d'Oliver Stone sur les Doors, laisse un petit peu entendre que le rapport de Jim Morrison à certains éléments occultistes ne rentre pas dans le cadre d'une véritable démarche de connaissance de l'occultisme, mais plutôt Jim Morrison se saisit de tout ça pour greffer là-dessus des problématiques personnelles et puis tout simplement pour justifier son désir de liberté sexuelle en lui donnant un cachet un petit peu magique. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai parlé de dilution de l'ésotérisme. C'est-à-dire qu'à partir même auparavant, je ne l'ai pas développé dans... lorsqu'on a parlé du 19e, mais comme l'a montré Henrik Bogdan dans un ouvrage sur l'initiation, on peut trouver une littérature qui développe des thèmes ésotériques, mais qui n'est pas pour autant une littérature ésotérique. Est-ce que par exemple, dans le cinéma des années 70, début 80, on pense à Borman ? Est-ce que ça pourrait rentrer Borman, en particulier avec Excalibur, peut rentrer dans ce schéma-là, ou dans la forêt mémoire. Je pense à Zardos aussi. Oui, ou Zardos. Même plus trivialement, Indiana Jones. Indiana Jones, s'il parle, les réalisateurs et scénaristes parlent du nazisme dans Indiana Jones, c'est parce que c'est un bon client. C'est pas pour ça qu'ils vont adhérer à l'idée que le nazisme était une société occultiste. Simplement, ils utilisent ça comme à des fins scénaristiques. Et d'ailleurs, que, pour revenir à Moebius, le public à l'époque ne l'a pas lu, n'a pas lu L'Incal comme étant une BD ésotérique. Ils ont dû se lire en disant « Ah, c'est vachement bien, il y a plein de thèmes bizarres, un bon scénario, et voilà. » Druillet aussi, pas. Druillet, c'est clairement le cas. Il y en a d'autres, comme ça, il y a des tonnes de choses. Les amateurs de films fantastiques des années 50-60 ne vont pas regarder le film qui s'appelle en français « Les Vierges de Satan », parce qu'il y a des cérémonies crowleyennes dedans, mais parce que c'est un bon film. On peut penser aussi dans la littérature fantasy, par exemple, là, le cycle d'Elric, de Moorcock, qui reprend finalement, et qui même met à l'honneur les théories sur les différents plans, et même l'idée du chaos en tant que... Oui, mais Moorcock est un cas à part. Elric, le nécromancien, je suis tout à fait d'accord, il va diffuser un certain nombre de thèmes occultistes, mais d'un autre côté, Moorcock va être quand même repris par un mouvement de néo-occultisme, la magie du chaos. Oui, on y viendra tout à l'heure, je pense. Mais il est repris par Druillet aussi, enfin Druillet illustre... Et Druillet va l'illustrer. Mais je veux dire, il y a des va-et-vient quand même entre le champ subculturel et le champ culturel qui vont s'accélérer à cette époque-là. Du fait des médias de masse qui sont... À la fois du fait des médias de masse, mais aussi du fait que la contre-culture va devenir quand même un courant... très mainstream parce que ça va rapporter de l'argent. Ça, c'est sûr. Et d'ailleurs, vous avez utilisé le mot bizarre. Et je pense que ce terme de bizarre, il pourrait qualifier un nouveau type de rapport à certaines créations où effectivement le public ne cherche pas nécessairement à découvrir le sens profond, mais se satisfait d'une bizarrerie et l'aborde de façon assez superficielle, là où, le cas échéant, les créateurs, eux, avaient pu avoir la volonté de développer quelque chose d'intéressant. Je pense, et vous serez sûrement d'accord avec moi, je pense à un peintre, un Giger. Giger, personne ne va voir le travail symbolique de son œuvre, mais tout le monde va aller le voir parce que y a des sexes, il y a des trucs, il y a des monstres, il y a des machins, et c'est un côté dérangeant. Donc Giger, pour le situer, c'est le créateur d'Alien. C'est le créateur d'Alien. Qui a travaillé avec. Qui a eu des relations avec Salvador Dali. Qui a travaillé avec Alien, qui a travaillé sur le projet aussi d'une. Le premier projet avec Dali et Jodorowsky. C'est un plasticien et bon. Peintre très connu et, comme vous l'avez dit, le créateur, l'inventeur de l'univers de l'Alien. Et donc finalement, à la fin des années 70, cette contre-culture hippie, post-hippie, institutionnaliste devient finalement, est intégrée progressivement à la culture. Il y a un courant qui va se développer en réaction, qui est le mouvement punk. Est-ce que ça peut se schématiser de cette façon-là ou, Alors, ce qui est intéressant, c'est que le punk, ça va être effectivement, comme vous le dites, à la fois une réaction d'une certaine manière, et en même temps le point de départ de ce qu'on appellera par la suite la culture gothique, qui, elle, va refaire lien avec des thématiques ésotéristes, gothiques. C'est exactement là où je voulais en venir, donc ça tombe très bien. Comment ce mouvement qui, finalement, alors le punk, je vois pas trop d'éléments très occultisants dans le punk. Non, mais... Le principal apport du punk va être dans une attitude. Et quelque part, c'est peut-être la reprise du grand thème de Wagner, de l'œuvre d'art totale. Et puis aussi une réhabilitation de l'éthique romantique que décrit Mario Praz, où justement on n'est pas seulement dans l'imaginaire, on est aussi dans un engagement. Le punk pose d'emblée quelque chose qu'on avait déjà pu trouver dans le rock, mais là c'est plus radicalisé. Hein, le punk pose d'emblée qu'on doit vivre sa musique. Et ça va clairement être les fondements de l'éthique gothique contemporaine. Avec un engagement politique dans le punk qui disparaît dans les courants gothiques. Qui disparaît ou qui va être inversé. Qui va s'inverser. Juste un petit bémol, pour le punk, tous les groupes ne sont pas forcément engagés politiquement. Les premiers albums de Siouxsie and the Banshees ou de Damned ne sont pas du tout engagés. Damned, c'est le punk tarte à la crème. Bon, d'un autre côté, ils sont peut-être plus nihilistes, parce que là, ils se font plus aucune illusion. Que les Clash, Yuka Subs ou d'autres groupes. Les Sex Pistols, ou les Sex Pistols. Se revendiquent clairement anarchistes. Les Clash se revendiquent... Oui, mais il y a un discours politique sous-jacent chez les Clash que même chez les Sex Pistols, on ne retrouvera pas. D'ailleurs, John Lydon, lorsqu'il partira des Sex Pistols pour fonder Peel, n'aura plus aucun discours politique, mais simplement un discours nihiliste et sera attiré, d'ailleurs, là on revient sur notre thème, par une musique très hermétique, très expérimentale. Il y a cette relation entre le punk, qui finalement est héritier du ska et de certaines formes de reggae jamaïcain, avec des influences électroniques qui vont se croiser, qui apparaissent dans les années, deuxième moitié des années 70. Le punk en tant qu'héritier du ska, je ne suis pas tout à fait d'accord. Moi, le punk, je le vois plutôt l'héritier des Stooges, du Velvet Underground et de ce genre de choses, c'est-à-dire de groupes qui, à l'époque où il y avait encore IP, avaient décidé de transformer le floor power en courant de mortuaire. La scène new-yorkaise. La scène new-yorkaise très décadente, très élitiste, très nihiliste. Tout à l'heure, vous disiez que le punk n'était pas très marqué par l'ésotérisme. C'est faux. Dès le début du punk, il y a des mouvements ésotériques occultistes qui lui sont liés. Le plus connu, c'est la magie du chaos, là encore. Qui apparaît dès la fin des années 70. Ça apparaît dès 76. D'accord. Les premiers textes de magie du chaos, les premières tentatives de Phil Hine et compagnie, c'est la deuxième moitié de la décennie 70 et ça va exploser 10 ans après. Mais les premières tentatives, c'est là. Et là, on retrouve le côté c'est punk, c'est-à-dire que la magie du chaos est un mouvement occultiste complètement anarchisant, aucune référence. Peut-être expliquer un peu ce qu'est la magie du chaos pour les auditeurs, puisque c'est quand même un mouvement magique assez récent et pas forcément très connu. Non, et pas très connu, mais en plus, c'est très difficile de définir ce qu'est la magie du chaos. C'est un mouvement qui a décidé de laisser tomber toute filiation occultiste ou ésotérique, comme au sens où on l'entendait au 19e jusqu'au milieu des années 30. Ils ont repris cependant le but de la magie, c'est-à-dire utiliser la magie pour amener quelque chose, la cracophanie, une quête de pouvoir, mais sauf qu'au lieu d'utiliser des rituels censés venir de l'aube de l'humanité, créés par des mouvements initiatiques, ils vont utiliser des logos comme le logo de Nike, des personnages de bande dessinée, des personnages de film Spock, pour créer un bric-à-brac magique qui fonctionne selon eux, mais complètement post-moderne. En fait, c'est le punk appliqué à la magie. Et là, on trouve la continuité entre la façon de vivre, la musique et la pratique magique. Il y a la même récupération, le même détournement de symboles. Et donc, ce mouvement-là apparaît dès cette époque-là. Il y a toujours une continuité avec les hippies. C'est un truc qu'on voit pas assez souvent quand on se penche sur l'histoire du punk. Je pense par exemple à un groupe comme Crass, vivait en communauté. Donc, on retrouve l'idée de communauté hippie. Autogestion, on trouve tout, sauf que le discours, comme l'a dit Philippe Rigaud, est très radicalisé et complètement nihiliste. Et le punk donc, va rencontrer aussi un courant qui le jouxte, qui sont les musiques électroniques. Pour le coup, les musiques électroniques ont un réel engagement, en tout cas certains groupes phares, on peut penser à Genesis Peoridge par exemple. Genesis Peoridge, donc, c'était le fondateur et le principal animateur d'un groupe qui s'appelait Foreign Grizzle, donc musique d'un groupe de musique électronique expérimentale. 75, je crois que 74, les premiers albums. 76. 74, c'est Coon Transmission, donc la première incarnation. Et GPO, pour réduire et pour les intimes, en fait, fait le lien entre le punk, les musiques électroniques contemporaines, ce qu'on va appeler musique industrielle, etc., et les hippies. Il est déjà assez âgé, il a plus d'une soixantaine d'années actuellement, et il a commencé comme performeur hippie. Mais sauf qu'il fait partie de ces hippies qui se sont radicalisés de plus en plus au point de passer à autre chose, d'inventer une nouvelle culture. Et là, il y a une filiation claire entre les références magiques occultiste, ésotérisante des hippies et la scène industrielle. Une influence importante de Crowley en particulier. En particulier de Crowley ou de Sper, qui était proche de Crowley. S'agissant de GPO, c'est clairement quelqu'un qui est dans l'implication physique par rapport aux conceptions qu'il peut développer. Hein. Bon, je fais référence à ces modifications chirurgicales. Puisqu'il s'est transformé en sa compagne, enfin, qui est décédé actuellement. Mais... Alors ça peut aussi poser la question du type d'individu qui peut adhérer à des pratiques sous-tendu par des conceptions de type magique. Je ne suis pas psychiatre, mais bon, on peut peut-être parler de pathologie mentale concernant GPO. GPO, oui, c'est un problème. Parce que bon, c'est un ancien de l'OTO d'Aleister Crowley. Il a inventé son mouvement magique, le temple de la jeunesse psychique, où justement il utilisait culture populaire à des fins magiques. C'est un performeur. C'est vrai que là, il vit son engagement. Et c'est vrai que GPO, du point de vue pathologique, on le retrouve dès le départ. C'est quand même celui qui a vulgarisé le piercing dès la fin des années 70. Pratique qui était jusqu'alors plus que subculturelle, puisqu'elle était confinée au milieu homosexuel de la côte californienne, plus ou moins. C'est des choses qui, lui, je crois que... Avec un discours spirituel autour du piercing ou non, au début, c'était une pratique purement marginale et extrême, de milieux vraiment très confinés comme Fakir, Mustapha et d'autres personnes. C'est quand même, c'est comme disait Philippe Rigaud, c'est des attitudes, des comportements qui sont limites, limites dans le sens borderline quand même. Tout à fait, mais qui effectivement vont pouvoir se voir attribuer des significations spirituelles. Et de ce point de vue-là, on l'abordera peut-être tout à l'heure, mais... Le piercing était effectivement aussi très, très associé aux scènes sadomasochistes. Le temps faisant son travail précisément de signification, aujourd'hui, le sadomasochisme peut faire l'objet d'une lecture de type occultiste ou en tout cas magique et spiritualisante. Je pense que c'est à partir de GPO qu'on peut voir une sorte de syncrétisme au sein des milieux, on va dire, bondage SM et mouvement magique, où les deux vont avoir des rapports. Mais ça, ce genre de rapport magique lié au sexe et lié, on va dire, à des sexualités déviantes, mais j'aime pas le terme, ou des sexualités marginales, on le retrouve dans les autres membres du groupe lié à TG. Je pense particulièrement à Coil, groupe fondé par un ancien de TG et un ancien de Psychic TV, donc le second groupe de Genesis Peoridge, couple homosexuel, qui sont connus, même s'ils n'en parlent pas, pour avoir des pratiques homosexuelles, particulièrement glauques. On retrouve le rapport entre magie, dégradation, salissure, perversion et finalité, on va dire, spiritualisante. Mais ça, c'est un des thèmes qu'on retrouvait déjà chez Crowley, dans les années 30, et chez un proche de Crowley à l'époque, dans les années 30, Austin Hoffman Speer, qui disait la magie fonctionne si on fait voler en éclats tous les tabous. Et ça, ça va se mélanger après avec les hippies, et ça va se retrouver radicalisé dans la magie du chaos et dans la scène industrielle. Et par exemple, le temple de la jeunesse psychique, sur les pratiques magiques, donc c'est le début des années 80. C'est 82. C'est ça. On connaît leurs pratiques? Non, il y a pas mal de choses qui ont été dites dessus. On ne connaît pas clairement leurs pratiques. Tout ce qu'on sait, c'est que c'est une pratique magique très glauque, avec un côté scatophile et mystique du sang, mélangé à des pratiques sexuelles. À part ça, on ne connaît rien. Il y a des choses qui ont été diffusées. Bon, Genesis Peoridge a eu une descente de police dans les années 80. Un certain nombre de documents ont été saisis, en particulier des vidéos. Mais après, il y a beaucoup de spéculations. Comme vous le dites, il y a beaucoup de spéculations, mais malgré tout, on peut avoir un petit peu une idée de ce qui se joue, et précisément ce qui se joue dans les pratiques scatophiles ou autres, c'est la confusion des valeurs entre le sublime et l'abject, le haut et le bas, et finalement c'est aussi une structure qu'on retrouve dans l'ésotérisme ou dans l'occultisme, hein, la connexion du microcosme et du macrocosme. Et c'est pour ça que moi, je défends l'intérêt d'une lecture psychanalytique de ces univers. Il faut de toute manière faire une lecture psychanalytique de ces univers. Et il n'y a pas longtemps, j'ai participé à une conférence dans le public, il y avait un psychiatre, on parlait de personnages de l'occultisme, il disait, pour certains d'entre eux, il y avait des profils... passablement pathologique. Il est clair qu'il y a des fous littéraires. Pour l'occultisme fin 19e, il y a des fous littéraires. Pour l'occultisme postmoderne dont on parle actuellement, il y a des cas pathologiques. Au-delà de Genesis Peoridge, il y a une confusion des valeurs, il y a une confusion, il y a un relativisme total, ce qui permet de, de faire des choses qui pourraient être condamnées ailleurs ou mal vues. Et je pense aussi que c'est une possibilité pour ces personnes-là de ne pas sombrer totalement dans la folie. Sans doute, oui. Alors, dans la question que ça peut poser, c'est le rôle de modèle. Ces personnes ont des pratiques qui, sans doute, les aident à supporter un certain nombre de choses. Mais devenant des modèles médiatiques, la grande question qui se pose, c'est ces pratiques, enfin, ces modèles sont-ils incitatoires ? Parce que maintenant, oui, Genesis Peuridge, qui était une figure des contre-cultures dans les années 80, maintenant passe à la Fondation Cartier et donne des concerts à la Villette. Donc. Oui, d'ailleurs, ça serait intéressant de voir comment précisément les instances de légitimation culturelle accaparent des choses qui, il y a encore quelques années, étaient montrées du doigt. Bon, on s'éloigne un peu du sujet, mais c'est vrai que le fait d'inviter GPO ou d'autres, Fondation Cartier, je pense que c'est plutôt un relativisme des sphères culturelles. Quand je dis relativisme, c'est le fait que toute forme de culture se vaut. Comme disait Lang au début des années 80, le rap, ça vaut Wagner. Mais c'est aussi peut-être finalement un processus historique aussi. Ça a déjà peut-être, une trentaine d'années et oui, ça s'institutionnalise. Peut-être aussi. Mais de toute manière, faut être honnête aussi, dans le milieu de l'art, à partir du moment où on est... Underground, on est récupéré. Il suffit de penser, par exemple, je retourne au Suralice, au bidet de Duchamp, qui était un énorme « je vous emmerde » ou « j'emmerde le milieu de l'art », qui s'est fait récupérer et tout le monde a trouvé ça génial. On est passé à une vitesse supérieure, maintenant on trouve des soi-disant œuvres d'art qui sont des conserves contenant des excréments. Je suis désolé. Il y a une récupération, une radicalisation, puis il y a aussi peut-être un phénomène de personnes blasées qui ont besoin d'une dose, comme le toxicomane, d'une dose de plus en plus forte. Alors au-delà de Genesis Peuridge, je pense également à d'autres groupes musicaux comme THGC par exemple, qui ont fait des albums alchimiques depuis des années 80. Oui, mais THGC, la personne qui se trouve derrière THGC, Addie Newton, est un ancien du Temple de la Jeunesse Psychique. D'accord. Donc on retrouve cette continuité-là. Et de toute manière, on peut parler de beaucoup de groupes de cette époque-là qui ont mélangé alchimie, magie sexuelle, parce que THGC ont aussi fait des albums permettant l'accumulation de l'énergie sexuelle à des fins magiques. Ce sont des gens qui sont passés par le temple. Le temple de la magie a été quand même un mouvement qui a centralisé des choses. Qui a centralisé énormément de choses. Il y a beaucoup de personnes qui ont eu des parcours très différents par la suite. Comme le compositeur de musique contemporaine Ilmarsson en Islande, qui est connu pour ses musiques de films, a été primé à Berlin plusieurs fois. C'est un ancien du temple à jeunesse psychique et un responsable néo-païen en Islande. C'est, le temple, c'est vraiment une plateforme de rencontre entre différents milieux. Mais si on parle de groupe magique, il y a un autre qui flirte aussi avec l'art contemporain, il y a Andrew Mackenzie d'Affleur Trio. Qui a commis avec Addie Newton des albums d'accumulation d'énergie sexuelle. Il y a les types de Coyle, il y a David Tibet, qui est une figure d'un christianisme hétérodoxe, qui est passé par là aussi maintenant. Il y a énormément de choses. Mais c'est vrai que toutes ces personnes ont un tel engagement dans les milieux occultistes qu'on peut se demander si ce n'est pas des magiciens qui font de la musique, plus que l'inverse. En tout cas, c'est comme ça qu'ils ont intérêt, d'un strict point de vue commercial, à se présenter. Ah, c'est clair que, point de vue commercial, là, ils attirent du monde. On n'est plus dans l'underground de l'underground. Là, on est dans les milieux alternatifs. On a quand même déjà passé un autre cap. Alors, il y a un autre milieu aussi qui revendique, ou du moins qui expose certains symboles, entre guillemets, occultes, qui est toute la scène métal. Alors, c'est métal qui est dans l'affiliation plus de Led Zeppelin et, et de groupes comme Black Sabbath dans les années 70, qui a évolué actuellement avec des milliards de courants qui se sont subdivisés, dont certains ont des engagements néo-païens ou satanistes revendiqués. Revendiqués, je suis tout à fait d'accord. Par contre, je suis beaucoup plus circonspect sur l'engagement réel de la chose. C'est plus du symbole que de l'engagement. C'est plus du symbole. Pour certains, je ne peux pas le nier, il y a des groupes où la personne a vraiment un engagement au niveau magique, au niveau occultiste, c'est clair. Mais pour la plupart, On va dire que c'est une culture complètement superficielle, une dilution complète des thèmes ésotériques. On reprend les thèmes parce que ça fait bien et parce que Led Zeppelin ou Black Sabbath les ont utilisés. Le métal est peut-être plus superficiel, mais je pense ne pas me tromper en disant qu'il a une visibilité plus importante que la musique indus. Ah, tout à fait d'accord. Bah, déjà, il a une visibilité dans les milieux du métal, dans les différentes chapelles du métal, dans les milieux dits gothiques, mais aussi dans la culture tout court, parce que l'auditoire du métal ou de la scène métal en général est très large. Ça peut être le citoyen lambda. Donc là, la personne ne va pas du tout faire référence au thème, va juste voir des symboles sur la pochette en disant « ouais, c'est pas mal » et c'est tout. Je suis d'accord. Mais pour la scène métal, je suis vraiment sceptique sur l'engagement réel de la chose. Parce que d'un autre côté, il faut être honnête, des types qui se disent néo-païens, qui posent en slip de cuir avec un look à la Conan en pleine forêt norvégienne... Donc on a parlé d'une scène qui est la scène gothique, qui est une scène qui apparaît un peu postérieurement à ces scènes-là, puisque à l'époque c'était la scène Batcave, puis après ça c'est devenu gothique, dans la moitié des années 80, le terme s'impose. Oui, oui, à peu près effectivement. C'est toujours difficile de décrire précisément la scène gothique, alors qui au départ est une scène essentiellement musicale, qui impose des looks spécifiques. Des références iconographiques, alors de type 19e-iste, donc c'est toute la réhabilitation de certains personnages de la littérature fantastique moderne, comme le vampire ou ce genre de choses. Ça, on va dire, c'est les fondamentaux de la culture gothique. Et au fil de son développement, depuis une vingtaine d'années, la culture gothique a beaucoup contribué justement à tous ces syncrétismes, en même temps ces réhabilitations de pas mal de choses. Le surréalisme, en quelque sorte, est aujourd'hui réintégré à une culture gothique qui répond peut-être pas de moins en moins à des codes précis, si ce n'est justement une orientation vers le bizarre. Le bizarre morbide, le bizarre qui laisserait entendre que la vérité n'est pas la vérité. Et à partir de là, effectivement, ça peut ouvrir des portes sur d'autres thématiques comme le complotisme, etc. Donc, c'est-à-dire à la fois la mouvance gothique, on l'identifie clairement, mais on ne l'identifie que dans sa globalité syncrétique. C'est peut-être un peu paradoxal, mais... C'est ce qui à la fois fait son charme, mais c'est ce qui en fait un objet extrêmement difficile à saisir. Il y a des pratiques magiques dans cette scène, des pratiques spirituelles en tout cas, ou c'est vraiment une... Il y a une spiritualité gothique de base, mais est-ce qu'on peut parler de spiritualité ? Dans ce sens où l'idéologie de base du gothique, c'est de considérer que nous vivons dans un monde médiocre, sans âme. Donc là, c'est quand même un point de départ qui peut pousser certains individus à chercher de l'âme. C'était aussi dans les musiques électroniques. Enfin, il me semble que Genesis Peoridge, dans les années 70, disait qu'il faisait une musique LED pour un monde laid. Voilà. Donc, globalement, on va dire la posture basique du gothique, c'est tout d'abord une espèce de rejet très baudelairien de la modernité, de la démocratie. Non pas un rejet de type fasciste, mais simplement la démocratie, c'est le règne de la masse. Or, ce qu'il faut, c'est faire triompher l'individu. À partir de ce minimum syndical du gothique, certains individus peuvent développer des démarches de recherche spirituelle ou politique dans le but d'affirmer la supériorité de l'individu sur la masse. C'est vrai que... Cette réhabilitation chez les gothiques, on va dire d'un 19e de pacotille, ça a quand même des conséquences au niveau magique. Il y en a beaucoup qui vont s'intéresser à l'occultisme 19e, fin de siècle, mais il y en a aussi beaucoup qui vont être fascinés par une figure typique du 19e, c'est la sorcière. Et il y a pas mal de gothiques quand même, en particulier bon, des personnes du sexe féminin, qui vont s'intéresser à la magie, mais en tant que manifestation des sorcières, à la Wicca. Donc ils vont se réinventer un occultisme de briques et de broc sans aucune filiation intellectuelle précise, mais une spiritualité, oui, on va dire de type occultiste, faisant de la sorcière la dernière gardienne d'un paganisme immémorial. Sauf que le problème, c'est que, un, ils n'ont aucune culture généralement spirituelle dans le domaine, et deux, la Wicca est une création des années 30. Donc ils vont recréer en fait une forme d'occultisme, de spiritualité, souvent très sincère, mais avec peu de références culturelles. Et qui va influencer certaines productions culturelles de masse. On pense à des séries télévisées. Comme Buffy. Charme. Charme. Ça, c'est clair que dans le domaine anglo-saxon, il y a une certaine réactivité au mode ambiante. Et ces deux séries-là ont vraiment surfé sur la mode de la Wicca parmi les adolescents et en particulier chez les adolescentes. Harry Potter aussi. Harry Potter. Mais ça se manifeste aussi de d'autres manières, d'une manière, on va dire, plus intelligente au-delà de ça. Cette recherche d'âme, pour reprendre l'expression de Philippe Rigaud, c'est aussi un intérêt pour le petit peuple, pour la féerie, pour des formes de paganisme, on va dire soft, ouverte, mais un retour, oui, à une volonté de réenchanter le monde. Tolkien, par exemple, qui a été un fil conducteur depuis le mouvement hippie, puisque des hippies portant des badges « I'm a Hobbit », jusque... Le Seigneur des Anneaux actuellement, qui est sorti au cinéma il y a peu. Oui, Tolkien va vraiment jouer un rôle. D'ailleurs, c'est assez paradoxal parce que lorsqu'on connaît les positions culturelles et politiques de Tolkien, le voir cité comme référence par des hippies ou des gothiques, je trouve ça toujours marrant. Faut pas oublier que Tolkien était un vieux catho-réac qui avait un mépris profond pour le monde moderne. Mais le monde que Tolkien va mettre en œuvre, le monde qu'il va créer, va être de puissants symboles pour toute cette jeunesse en quête de réenchantement. Alors, d'un strict point de vue esthétique, là, ce qu'on vient d'évoquer, avec des références à la sorcellerie, globalement des références au monde médiéval, ça n'est pas strictement parlé gothique, mais par une commodité de langage, le terme gothique recouvre malgré tout ce genre de choses. C'est-à-dire que pour être précis, on pourrait considérer que le pur gothique est plutôt 19e-iste. Mais par extension, on appelle gothique tout ce qui, d'une part, est fasciné par le passé, fasciné pour l'aspect magique ou spirituel du passé. Mais c'est malgré tout une branche, on va dire, médiévaliste assez particulière. J'ajouterais peut-être un point de complément, c'est que le Moyen-Âge des gothiques, c'est le Moyen-Âge vu par les personnes du 19e siècle. C'est Viollet-le-Duc. C'est la littérature gothique. Voilà. Le Moine de Lewis, Viollet-le-Duc, tous les romans sur le diable, etc. En fait, c'est un Moyen-Âge de briquet de broc. C'est une double esthétisation du Moyen-Âge, pour faire simple. Finalement, ces mouvements, de ce qui ressort plus ou moins, on a l'impression que les mouvements, à partir du moment où ils sont dans une contre-culture ou une culture de marge, ont une intégration d'éléments occultistes ou post-occultistes importants. Et à partir du moment où ces mouvements rentrent dans une culture de masse ou une culture dominante, tentent à perdre ces éléments occultistes qui deviennent que des éléments de décorum. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec cette... Ils les perdent. Ça peut même les inciter à les multiplier, mais qualitativement, il y a effectivement une déperdition. On peut même redouter que ça crée un effet d'entraînement, parce qu'à partir du moment où on a des publics peu exigeants, qui simplement demandent du bizarre, on va avoir des créateurs qui vont multiplier les syncrétismes les plus vides de sens. Tout ça se faisant au détriment de créateurs qui, eux, peut-être, ont une approche beaucoup plus sérieuse. On peut voir ça sous un autre angle. À partir du moment où l'occultisme devient mainstream, c'est plus intéressant. Donc, on abandonne, on va chercher d'autres formes d'occultisme, très underground. Ça, c'est une posture très dandy, très marginale. Puis on va la redévelopper, puis quand cette nouvelle forme va redevenir très dominante, on va relaisser tomber pour trouver autre chose. Ce qui peut-être aboutira à un effet de saturation généralisée, une disparition des thématiques occultistes dans la culture, ou un confinement dans des espaces extrêmement confidentiels. Je me place plutôt dans la perspective d'une personne comme Marcel Gaucher. C'est vrai qu'on est dans une époque de très grande sécularisation. Et justement, parce qu'il y aura cette sécularisation, je pense plutôt que les gens vont s'intéresser de plus en plus à des formes de spiritualité de marge. Parce que justement, le catholicisme, le judaïsme ou l'islam, ça vaut plus rien. c'est plus intéressant. Donc, on va essayer de faire une forme de spiritualité, on va dire la occultiste ou New Age, avec du bric et de broc. On va se créer une mythologie, on va se recréer une filiation. Puis ça sera un peu une spiritualité, une religiosité à la carte. Je pense aussi que c'est davantage ce phénomène qui risque de se développer, d'autant plus qu'il y a effectivement une sécularisation générale qui finalement crée un manque de spiritualité, mais il y a aussi un immense pessimisme sur le plan de l'évolution sociale qui ne peut, à mon sens, que favoriser l'envie de découvrir des choses un petit peu marginales, qui à la fois rendent espoir, mais et c'est la spécificité justement de la spiritualité gothique, hein, si on peut parler de spiritualité gothique, ça peut donner un sens à l'individu et en même temps pointer des choses extrêmement sombres. Et c'est ça toute l'ambivalence de ces religiosités. On va dire que ce ne sont pas des religiosités fun. Il ne faut pas oublier qu'on est dans des subcultures. Par définition, c'est des milieux radicaux. Est-ce qu'on est encore dans des subcultures? Par exemple, David Lynch, qui David reprend Lynch, des choses à ces milieux-là, mm-hmm. qui est quand même un cinéaste qui connaît un grand succès. On peut penser par exemple à la série Twin Peaks. La fin de Twin Peaks a des éléments sur la fraternité blanche universelle ou des choses comme ça. David Lynch a été subculturel. Il ne l'est plus. Même s'il y a toujours des positions, on va dire, elle a été récupérée par le système. Il est devenu une icône culturelle. C'est toujours le même problème, c'est des parcours qui se font a posteriori. Lorsqu'il a développé ses premiers films, comme Eraserhead, etc., ça restait toujours des films très radicaux. Mais sa beauté étrange, son esthétique bizarre, ont fait que c'est devenu une icône, même s'il continue toujours à développer des positions très particulières. Comme la dernière de faire des séances de méditation transcendantale dans les lycées français pour calmer la violence, ça n'empêche pas qu'il est devenu une figure dominante. Simplement, maintenant, on ne le considère plus comme un underground, mais comme un original, un excentrique. Cet aspect radical a été gommé, lissé. Il y a clairement, oui, une normalisation, sinon de l'étrange lui-même, du moins de quelques grands producteurs de l'étrange. On peut penser à, par exemple, la bande dessinée, le polar ésotérique en bande dessinée, qui est actuellement un succès grandissant. Stéphane parlait de David Lynch. Clive Barker devient un personnage que tout le monde connaît, d'autant plus qu'il est à la fois écrivain, peintre, cinéaste, il réalise des iconographies pour des jeux vidéo. Donc il y a effectivement, oui, une normalisation de l'étrange, une mise en avant de quelques producteurs de l'étrange. Oui, le jeu vidéo contribue aussi à cette normalisation. Il y a beaucoup de jeux à thème ésotérique. Les jeux vidéo, les BD, il y en a énormément. Là, on est en train de passer à autre chose, tout simplement. Les thèmes sont en train de se diluer, de se diffuser. Finalement, il y a à la fois une scène qui a réussi à diffuser des thèmes, enfin qui a contribué à diffuser des thèmes, ces scènes contre-culturelles. En même temps, ces thèmes semblent s'appauvrir, ou du moins se devenir un élément culturel et plus un vernis qu'un engagement profond dans... Oui, alors un vernis, et en même temps, il y a une thématique en particulier dont je m'interroge sur la façon dont elle peut être reçue. Alors, thématique qui est véhiculée par des jeux vidéo, par des livres ou des films à succès, c'est la thématique complotiste. Le Da Vinci Code a été... Par exemple, et là, on peut se demander si le public, ou en tout cas l'intégralité du public, n'a pas un rapport un petit peu étrange à ça et pour le coup ne se demande pas s'il n'y a pas un fond de vérité dans tout ça. Donc, ce qui serait un petit peu un effet pervers de choses qui au départ se veulent divertissantes mais qui ont tellement généralisé le thème que le thème s'inscrit dans la réflexion de l'individu sur la réalité de ce qui nous entoure. Je pense que ça n'a rien à voir avec les sociétés occultistes ou l'occultisme, mais simplement avec une autre dérive, c'est qu'une société libérale crée du complot. Plus la société, plus le mode de fonctionnement politique est transparent, plus il y a une volonté d'expliquer les blancs, le hasard, l'étrange, par quelque chose d'autre. Et ce qui est symptomatique, c'est aux États-Unis, il n'y a pas plus transparent comme société politique. Et pourtant, c'est le pays le plus conspirationniste qui soit. Parce que justement, ils ont une volonté. Je pense que c'est vraiment deux mentalités différentes. Ce n'est pas lié à l'occultisme, mais c'est une volonté de tout connaître, de tout savoir, de tout surveiller. Ben, là, on est plutôt dans le panoptique de Bentham. Oui, mais ce que je voulais pointer, c'est le fait que ce sont des œuvres qui ont quand même une esthétique ésotérique qui contribuent à véhiculer les thématiques du complotisme. Et qui, pour le coup, ne sont peut-être pas lus simplement comme des thèmes imaginaires, mais comme des choses qui comporteraient une part de vérité. Oui, mais dans ce cas-là, ça, c'est plutôt lié à un niveau d'abrutissement des populations. Là, c'est moi qui suis pessimiste. On va peut-être conclure sur cette note pessimiste, puisque l'histoire du conspirationnisme nous entraîne sans doute vers une autre table ronde et une autre... Ouais. Problématique. Donc, merci Stéphane François, merci Philippe Rigaud pour cette discussion.